بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. La révélation de l'Écriture émane de Dieu, le Puissant, le Sage. Nous n'avons créé les cieux, la terre et tout ce qui existe entre les deux qu'en toute vérité et pour un terme fixé. Mais ceux qui ne croient pas se détournent de ce dont ils ont été avertis. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِيتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Dis-leur, voyez ce que vous invoquez en dehors de Dieu. Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Où ont-ils, dans les cieux, une participation avec Dieu? Apportez-moi une écriture antérieure à celle-ci, ou même un vestige de quelque science à l'appui de ce que vous avancez, si vous êtes véridique. Et qui est plus égaré que celui qui invoque à la place de Dieu ceux qui, au jour de la résurrection, ne pourront jamais répondre à ses prières, et qui en sont de toute façon inconscients? وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Et quand les gens seront rassemblés pour le jugement, ces divinités présumées seront leurs ennemis et rejetteront l'adoration dont elles auront été l'objet. Et quand nos signes bien clairs leur sont récités, ceux qui ne croient pas disent, à propos de la vérité qui leur est révélée, c'est de la simple magie. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Ou alors ils disent, il a tout inventé lui-même. Dis, si je l'ai vraiment inventé, alors vous ne pourrez guère me protéger contre Dieu. Il sait parfaitement ce que vous proférez contre le Coran. Et il suffit comme témoin entre vous et moi. et il est le pardonneur, le très miséricordieux. Dis, je ne suis pas le premier à être envoyé comme messager, et j'ignore quel sort nous sera réservé à vous et à moi. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et ma mission consiste à vous avertir clairement. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. Et s'il s'avère que cette révélation provient vraiment de Dieu, et que vous n'y croyez pas, et qu'un témoin parmi les enfants d'Israël en atteste la conformité, et y croit pendant que vous, vous êtes trop fiers pour y croire, en vérité, Dieu ne guide point les gens injustes. Et les mécréants disent de ceux qui croient, si ce message était un bien, les pauvres ne nous y auraient pas devancés, et n'ayant pas été guidés par lui, ils disent, il ne s'agit que d'un vieux mensonge. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. Alors qu'avant lui, il y a eu l'écriture de Moïse, un guide et une miséricorde. Et voici une écriture en arabe venant confirmer les écritures antérieures, afin d'avertir ceux qui sont injustes et d'apporter une bonne nouvelle aux bienfaisants. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Certes, ceux qui disent « Notre Seigneur est Dieu » et se comportent avec droiture n'éprouveront aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là seront les habitants du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Et nous avons enjoint à l'homme d'être bon envers ses parents. Sa mère le porte péniblement et l'enfante dans la douleur. Sa gestation et son allaitement durent 30 mois. Et parvenu à pleine maturité, à l'âge de 40 ans, il dit « Seigneur, inspire-moi d'être reconnaissant des bienfaits dont tu nous as comblés, mes parents et moi, et fais que j'accomplisse de bonnes œuvres que tu agréeras, et fais que mes descendants soient vertueux ». Je reviens à toi repentant, et je suis du nombre des musulmans qui se soumettent à toi. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Voilà ce dont nous acceptons les meilleurs de leurs actions. Et sur les mauvaises actions desquelles nous passons, ils auront parmi les habitants du paradis, selon la promesse véridique qui leur a été faite. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. Et quiconque dit à ses parents, filles de vous deux, prétendez-vous qu'on me fera sortir de terre, alors que tant de générations ont passé avant moi, et tous deux implorent le secours de Dieu et disent, malheur à toi, crois, certes, la promesse de Dieu est véridique. Il répond, ce ne sont là que des fables racontées par les anciens. Ce sont ceux-là qui ont mérité la sentence prescrite, au même titre que les communautés de djinns et d'humains qui les ont précédés, les voilà les perdants. À chaque personne sera attribué un rang en fonction de ce qu'elle aura fait, afin que Dieu les rétribue pleinement pour leurs œuvres, et nul ne sera lésé. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. Et le jour où les mécréants seront exposés au feu, il leur sera dit, vous avez dilapidé vos biens durant votre vie sur terre, et vous en avez pleinement joui. Vous êtes donc rétribués aujourd'hui d'un châtiment humiliant à cause de votre attitude injustement méprisante sur terre et parce que vous aviez l'habitude de transgresser toute limite. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. Et fait mention du frère des Ad, Hud, lorsque se trouvant à l'Ahkaf, parmi les dunes de sable façonnées par le vent, il avertit son peuple, alors qu'avant et après lui, d'autres messagers étaient venus avertir les gens, en disant « N'adorez que Dieu, car je crains pour vous le châtiment d'un jour funeste. » Ils répondirent « Es-tu venu pour nous détourner de nos divinités ? Eh bien, fais-nous donc voir ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. » Il dit « Dieu seul en a connaissance, je vous transmets le message avec lequel j'ai été envoyé, mais je constate que vous êtes des ignorants. » فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Puis, lorsqu'ils aperçurent un épais nuage qui se dirigeait vers leur vallée, ils dirent « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. » Mais il leur fut dit « Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter, c'est un vent chargé d'un douloureux tourment. Il détruit tout sur l'ordre de son Seigneur. » Et le lendemain matin, on ne voyait plus que les ruines de leur demeure. C'est ainsi que nous rétribuons les criminels. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. En vérité, nous leur avions accordé des pouvoirs que nous ne vous avons jamais accordés. Ils étaient dotés d'une ouïe, d'une vue et d'une intelligence, mais ni leur ouïe, ni leur vue, ni leur intelligence ne leur furent d'aucun secours, parce qu'ils niaient les signes de Dieu. Et ce dont ils se moquaient finit par les cerner. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Nous avions assurément détruit nombre de cités autour de vous. Nous avions auparavant multiplié nos signes à leurs habitants afin qu'ils reviennent vers nous. Comment se fait-il alors que ceux qu'ils avaient choisis comme divinités pour soi-disant se rapprocher de Dieu ne soient pas venus à leur secours ? Au contraire, ils les ont abandonnés. Telle fut leur imposture, et voilà ce qu'ils inventaient comme mensonge. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ Et lorsque nous envoyâmes vers toi, ô Mohammed, un groupe de djinns qui souhaitaient écouter le Coran, quand ils assistèrent à sa récitation, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent auprès des leurs afin de les mettre en garde. Ils dirent « Ô notre peuple, nous venons d'entendre la récitation d'une écriture qui a été révélée après Moïse, confirmant les écritures qui l'ont précédée. Elle guide vers la vérité. Et vers le droit chemin. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال Ô notre peuple, répondez à l'envoyé de Dieu et croyez en lui. Il vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un douloureux châtiment. Et quiconque ne répond pas à l'envoyé de Dieu ne saura échapper au pouvoir de Dieu sur terre et il ne trouvera en dehors de lui ni allié ni protecteur. Voilà ceux qui sont dans un égarement manifeste. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Ne voit-il pas que Dieu qui a créé les cieux et la terre, sans en éprouver la moindre fatigue, est capable de redonner vie aux morts? Mais si, car il détient le pouvoir sur toutes choses. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن Et le jour où les mécréants seront exposés au feu, on leur demandera « Ceci n'est-il pas la vérité ?» Ils répondront « Oui, par notre Seigneur. » Et celui-ci leur dira « Alors goûtez au châtiment pour avoir refusé de croire. » Alors sois patient, ô Mohammed, comme l'ont été avant toi les plus fermes d'entre les messagers, et ne sois pas impatient de les voir subir le châtiment. Le jour où ils verront ce qui leur avait été promis, il leur semblera n'être resté qu'une heure sur terre. Voilà un message clair. Qui sera donc anéanti, sinon les gens pervers ?